Chapitre 2. Une énigme insoluble. 3 jours s'étaient écoulés depuis la fête donnée à la Villa des Cèdres. Le banquier Rabington était d'un seul coup devenu l'homme le plus populaire de San Francisco. Tous les périodiques donnaient son portrait accompagné d'une substantielle biographie. À la bourse, dans une seule séance, les actions de la Mining Mexican Bank avaient monté de 12 points. Le détective John Jervis était un des rares à ne pas partager cet engouement. Les allures presque insolentes du banquier depuis son rajeunissement lui avaient souverainement déplu, aussi bien que la physionomie brutale et cauteleuse du docteur Claus Christian. Enfin, l'évanouissement de Miss Elsie lui avait laissé une pénible impression qu'il n'arrivait pas à dissiper. D'ailleurs, il n'avait pu revoir la jeune fille. Chaque fois qu'il s'était présenté à la villa, M. Rabington était absent, ou travaillait avec ses secrétaires et ne recevait pas. Et Miss Elsie, invariablement, était allée faire une promenade en auto. John Jervis flânait un après-midi par la ville, en réfléchissant aux raisons qui pouvaient motiver la singulière conduite du banquier à son égard, quand dans Mason Street, le chemin lui fut barré par un embarras de voiture. Il s'apprêtait à revenir sur ses pas lorsqu'il crut reconnaître, dans une auto arrêtée par l'encombrement, Miss Elsie elle-même. Il ne s'était pas trompé. Elsie était là à 2 pas de lui, mais son beau visage était pâli par le chagrin ou la maladie. En apercevant le détective, elle eut un faible sourire. Et elle mit un doigt sur ses lèvres comme pour lui faire comprendre qu'elle était surveillée. Puis elle lui fit signe d'attendre. John Jervis se rapprocha prudemment en se dissimulant derrière un camion. Et au bout d'un instant, Elsie lui glissa dans la main un billet qu'elle venait de griffonner sur une page de son carnet. Il lut après avoir eu la précaution de se cacher dans l'embrasure d'une porte cochère. « Il faut que je vous parle. » « Attendez-moi dans un quart d'heure à la porte de votre jardin. » Enfin, il allait donc avoir des nouvelles. Il déchira le billet en tout petits morceaux qu'il sema le long de sa route et se hâta de regagner l'hôtel qu'il occupait dans Mateo Street, une paisible rue proche du faubourg d'Orient. Grâce à l'énergique intervention des policemen, l'embarras de voiture s'était promptement dissipé. Miss Elsie jeta à son chauffeur l'adresse d'un grand magasin de nouveautés de Montgomery Street, où elle arriva quelques minutes plus tard. Le chauffeur la vit descendre, entrer dans le magasin, stationner au rayon des soieries, puis disparaître dans la foule. La jeune fille avait traversé le magasin dans toute sa longueur. Elle ressortit par une autre porte et se dirigea vers Mateo Street, marchant aussi rapidement qu'elle le pouvait, et se retournant de temps à autre pour voir si elle n'était pas suivie. Elle atteignit sans encombre la rue déserte, où donnait la porte du jardin qu'elle trouva entrebâillée. Elle entra. John Jervis était là, cordial et souriant, mais plus ému qu'il ne voulut le paraître. « Que se passe-t-il donc à la villa ? » demanda-t-il impatiemment. « Pourquoi n'avez-vous pas pensé plus tôt que vous aviez en moi un ami ?» La physionomie de la jeune fille avait revêtu cette expression de tristesse et d'épouvante qui avait frappé le détective le soir de l'évanouissement. « Je n'ai pu venir qu'aujourd'hui, et ce n'a pas été sans peine. Je suis espionnée, presque prisonnière. Est-il possible ?»« Mr. Abington, » murmura-t-elle en frissonnant. N'est plus du tout le même pour moi depuis qu'il est rajeuni. Mais il faut que je me hâte de tout vous dire car les minutes sont précieuses. Il ne faut pas qu'on sache que je vous ai vu ni qu'on s'aperçoive de mon absence. Le soir de la fête, vous paraissiez déjà toute triste. Oui, je suis très impressionnable et je ne puis jamais dissimuler ce que j'éprouve. Je ne puis supporter la présence du docteur Claus Christian. J'éprouve pour lui la même répugnance physique que pour un rat, un crapaud ou tout autre animal immonde. Il m'est tellement odieux que sa présence me cause un réel malaise. Et comme il devine l'impression qu'il produit sur moi, il me déteste cordialement. J'étais dans cette fâcheuse disposition quand la sonnerie du téléphone a retenti. Le visage convulsé d'horreur, elle ajouta avec effort. Voici les paroles qui ont causé mon évanouissement. Elsie, ma chère Elsie, venez à mon secours, je suis... Et cette voix suppliante qui montait vers moi des profondeurs de l'inconnu, c'était la voix de mon tuteur, du vrai Mr. Abington. Comprenez-vous l'atrocité de ma situation? Jervis était violemment ému. C'est épouvantable, balbutiait-il. Mais êtes-vous bien sûr que quelque mauvais plaisant ne se soit pas amusé à contrefaire la voix de votre tuteur? Non, je ne puis pas m'être trompé. C'était bien Mr. Abington. John Jervis fit quelques pas dans les allées, en proie à une exprimable agitation. « Et depuis, demanda-t-il après un silence, il ne s'est produit aucun appel du même genre ?»« Non, d'ailleurs, ce qui confirme mes soupçons, mon téléphone particulier est détraqué, et les autres téléphones sont gardés à vue. » Bien que je n'ai rien répondu aux questions qui m'ont été faites sur mon évanouissement, ils savent. Ils ont deviné que j'étais averti de leur crime. Ils prennent leurs précautions en conséquence. C'est abominable. Enfin, que croyez-vous qu'il soit arrivé? Allez jusqu'au bout de votre pensée. Ils ont séquestré, à l'heure qu'il est, assassiné peut-être, mon pauvre tuteur. Dit-elle lentement. Et un autre a pris sa place, avec la complicité de ce docteur Christian, que je crois capable de toutes les infamies. Et les deux bandits vont se partager l'immense fortune. Voilà la vérité. Un pareil crime, objecta le détective avec hésitation, me semble de prime abord difficile à admettre. Êtes-vous bien sûr de n'avoir pas été le jouet de votre imagination et de vos nerfs? Enfin, Mr. Abington a été reconnu par tous ses amis, par moi-même. C'est lui qui a demandé à être rajeuni par les procédés du docteur Christian. Miss Elsie se taisait, consternée. « Quoi? Vous aussi » murmura-t-elle avec accablement. « Vous allez passer dans le camp de mes ennemis. Vous ne me croyez pas? Vous allez m'abandonner? Je n'ai jamais mis en doute votre sincérité. Je vous promets de mettre en œuvre tous les moyens dont je dispose pour arriver à découvrir la vérité. » Puis, interrompit-elle, les larmes aux yeux, « Vous ne connaissez pas encore toute l'horreur de ma situation. Maintenant, le prétendu Abington veut m'épouser. » Il attribue mes accès de tristesse à une maladie nerveuse et parle de mettre en traitement chez le docteur Christian. Ils veulent me dépouiller de ma fortune et me faire disparaître ensuite, comme ils ont dépouillé et sans doute assassiné mon tuteur. Est-ce assez clair? Vous reste-t-il encore des doutes? Mais celle-ci avait parlé d'un accent de détresse si poignant que John Jervis en fut profondément remué. « Non, dit-il. Ce projet de mariage, bien qu'il ne soit qu'une preuve morale, est une preuve décisive. Il confirme tout ce que vous venez de me dire. Ne vous désolez pas, je vous jure que je vous arracherai des griffes de ces misérables et que je délivrerai Mr. Abington. Car enfin, ajouta-t-il pour donner quelque espoir à la jeune fille, votre tuteur, s'il est séquestré, est bien vivant puisqu'il vous appelle à son secours. « Dites qu'il m'appelait il y a 3 jours, murmura-t-elle avec un profond découragement. Qui sait depuis ce qu'ils ont fait de lui? Je ne veux pas que vous vous laissiez abattre ainsi, dit le détective avec autorité. Il faut que vous soyez courageuse et que vous ayez foi en moi. J'ai pris l'affaire en main et je vous garantis que d'ici peu, les choses... vont changer de face. Mais il faut que je puisse compter sur vous. Ne savez-vous pas que je vous suis entièrement dévoué? Que faut-il faire? Demanda-t-elle, un peu réconfortée déjà par l'énergie même de ses paroles. Montrez-vous aussi aimable que possible avec le fort Abington et même avec le docteur. Et tout d'abord, acceptez le projet de mariage dont on vous a parlé. C'est vous qui me conseillez cela, s'écria-t-elle dans un sursaut d'indignation. Ah oui, reprit-il, parce que ce mariage n'aura jamais lieu, je vous en donne ma parole de gentleman. Ce n'est qu'un moyen pour nous de gagner du temps et d'endormir la prudence des deux bandits que votre attitude inquiète sans doute beaucoup. De plus, ce mariage, dont il faut fixer la date le plus tard possible, sera pour vous un prétexte à emplette, ce qui vous permettra de sortir. Tous les jours, de 15 à 16 heures, mon ami Floridor se tiendra dans la travée de gauche, au deuxième étage du magasin des nouveautés françaises de la rue Montgomery, et vous y attendra. Vous ne ferez pas semblant de vous connaître, mais vous pourrez échanger des billets sans éveiller les soupçons. De cette façon, vous pourrez m'avertir de ce qui se passera et me donner rendez-vous ici en cas de besoin. Je ferai ce que vous me dites, à la lettre. Une dernière recommandation. Tâchez de vous procurer les noms de tous les fournisseurs de Mr. Remington avant son rajeunissement. Cela est indispensable. Vous remettrez la liste à Floridor dès que vous l'aurez. Je vous quitte, murmura-t-elle avec un timide sourire. Il faut que je rentre bien vite. Me voilà maintenant un peu réconforté. Demeuré seul, John Jervis se promena longtemps d'un pas saccadé par les allées du jardin, mûrissant dans sa pensée tout un plan de campagne contre les bandits qui avaient si subtilement escamoté la personnalité du banquier Remington. Le soleil couchant disparaissait dans l'océan, par-delà la presqu'île de Monterey, quand le détective regagna son bureau. Il passa le reste de la soirée à donner de minutieuses instructions au fidèle Floridor. La bataille s'engageait.